octobre, 1931, en pleine nuit, je me réveille, en sursaut, en sueur, j'ai fait un cauchemar. Le cauchemar, prémonitoire. Le cauchemar, prémonitoire. On mangeait, on écoutait, on regardait, pire, on pensait comme eux. Il nous restait cette nationalité, on a su la conserver. Une drogue culturelle nous était injectée, faisant de nous des êtres déshumanisés. Cruauté exportée, ni reprise, ni échangée. Ils ne répondent pas à une demande, il a créé assez de patriotisme grandiloquent, qui écrase de différents, qui parle de liberté, alors qu'il a servi l'homme partout, il peut le rencontrer. Si pour réussir sa vie, faut agir aux côtés des oppresseurs, je préfère tout foirer pour subsister. Faut être fort et insensible, et je suis ni fort ni insensible. Le cauchemar, prémonitoire. Le cauchemar, prémonitoire. Nous au Moyen-Âge, comme vous aimez à le dire, car cette fausse charité, la modernité, alimente votre empire. Partout dans le monde où je voudrais m'évader, je retrouve un peu plus ce que je voulais échapper. Assistant impuissant au formatage du monde entier, c'est une épidémie, je suis un potentiel ennemi. Et si je me rebelle un peu trop, c'est la prison ou une balle dans le dos. Il suffirait de bombarder, d'humilier, de mettre à mort les nations en désaccord. Une seule chose démotive, le mot pétrole. Ils ont les armes nécessaires pour faire sauter plusieurs fois la terre. Les envahisseurs ne promènent pas d'une autre planète, mais non loin d'ici, vers l'ouest. Le cauchemar, prémonitoire. Le cauchemar, prémonitoire. Si tu ne consommes pas, tu n'existes pas. Ils imposent cette démocratie par la violence. Maintenant ça a du sens. Plus j'évolue dans ma prémonition, plus je tremble. Dans certains pays, c'est tous les jours le 11 septembre. Ils ont fait de Bagdad une nouvelle bande de Gaza. À l'allure où vont les choses, je n'aurai plus la nécessité de dormir pour cauchemarder. Et mes petits enfants de cette situation ne demeureront jamais effarés, car depuis le berceau ils seront conditionnés, victimes apprivoisées de leur rêve américain. C'est un cauchemar pour nous, c'est un cauchemar tout court. Le cauchemar prémonitoire. Le cauchemar prémonitoire. Le cauchemar prémonitoire. Le cauchemar prémonitoire. Le cauchemar prémonitoire.